Dans l'introduction, Cindy, alias Missy Schneck, avance dans un ralenti excessivement bien réalisé, avec une casquette Los Angeles venue de New York. Elle est rejointe par Deborah, aka Big MC Nano, et on s'aperçoit alors que la séance de make-up n'a pas suffi à dissimuler le duvet naissant des deux stars montantes du plagiat, y compris après un subtil photoshopage. Cela plonge Sandy, alias La Cache, dans une introspection profonde dans laquelle nous la retrouvons immédiatement. Quel suspense insoutenable. On se perd seulement en conjectures que j'ai dû faire appel à deux pontes du consulting footballistique qui vont pouvoir dès lors confirmer qu'après en être venu aux mains avec l'équipe maquillage, les plagiabros, c'est-à-dire Tamara, Lord O et Syndilla, MC Schneckwantu, portent désormais de vrais et authentiques t-shirts de football américain aux couleurs de la Vendée et de la Haute-Savoie. Après avoir allègrement craché sur la caméra qui tend un peu trop sur le jaune, Indira, Missy Keshne et Tabata, Big Lord O, sont allés fêter ça dans le backroom de la CCI la plus proche à l'occasion d'un vide-grenier. Tandis que Schneck, aka Bismillah, s'est acheté un clavecin sonnant comme un authentique Rhodes analogique, MC Nano, alias Tabarly, s'est offert la cave complète de Charles Aznavour de son vivant. On les retrouve alors que Missy Biba teste son nouveau jouet et Nano, Tabba Press, commémore le génocide arménien. Nickel. Okay, Bravo. parfait. Une parfaite issue. C'était. Ah, leur musique est si belle. Et d'ailleurs, je me suis entouré de deux éminences en matière. Un nouveau jour se lève sur Seattle et sa puissance papale, et c'est toute dorée et épilée du visage au soleil de l'Arizona qu'on retrouve Cendrier, aka Missy Miss et Barbara O en chemin pour le gym de Compton, où il y a cours d'aquazumba avec Will Smith. Wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, Wild, Wild West. C'est valide. Je pense qu'on s'entend avec là. Ça tourne, résumé. Leur musique est si belle, et d'ailleurs, je me suis entouré de deux éminences en matière. Un nouveau jour se lève sur Seattle et sa puissance papale, et c'est toute dorée et épilée du visage au soleil de l'Arizona qu'on retrouve Cendrier, aka Missy Miss et Barbara O en chemin pour le gym de Compton, où il y a cours d'aquazumba avec Will Smith. Wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, Wild, Wild West. Ça me paraît correct, hein. Je voulais, j'en fais un deuxième dans la foulée. Allez! Si tu veux, tu peux être encore plus. Enfin, à la fin, t'as le droit de me faire vraiment en mode. Ouais. J'adore, quoi. Off, la caméra qui filme rien, qui la passe temps à côté. Ok, donc là, tu dois dire dans les épisodes précédents, Saint-Treuse, ah la non, mais il peut ne rien dire du tout, c'est surtout qu'il veut rien dire, quoi. On va sous-titrer, ouais. Mais tu vois, je vais... Ok, tu restes là et... Ouais, t'es pas d'accord pour continuer. Oui, d'accord, ok, là t'enregistres ou pas? Là, ça tourne, ça tourne. Le son, c'est... Ouais, ça tourne. Ouais. Ouais, vas-y, on va payer la... l'autoroute, hein. Là, j'ai pas compris vos textes, hein, les gars. J'ai rien compris de ce que vous m'avez fait lire. Hein. Mais ouais. Tu veux pas te rasseoir 5 minutes? Bah, là, je dois partir. Là, j'ai un Blablacar. Blablacar, c'est un truc de Bertrand qui m'a fait du stop. Quoi. Ouais, c'est moi. Là, je de toute façon, je plie mes affaires et je me casse. Quoi, t'es une caisse au français? Bah, c'est tout, ça suffit. Super. Ben, c'est bien. Ah, tu peux faire un petit ben c'est bien à la caméra, c'est juste un truc comme ça, juste un ben c'est bien. T'es pas la caméra. Enfin, tu fais ce que tu veux, après, c'est libre. Juste un ben c'est bien. Non, je me casse. Pourquoi? Je vous enverrai le billet de train. Oh, t'es un bon maquin. Ça c'est pour le retour, pour le léger prix de train. Je crois qu'on peut couper. Ouais, il reste 7 minutes. Qu'est-ce que c'est, quoi? Lâchez-vous. Non, mais c'est très bien, on passera tous à l'autotuneur comme on sait très bien. Ouais, ouais. En même temps, juste le plan fixe sur ça et puis. C'est et puis les sous-titres, ce sera magnifique. Non, mais on clique peut-être Canal Plus, tu vois. Parfait. Bon, et ben mission accomplie. Merci les gars. De votre patience. Bah, merci à vous, hein, pour l'expérience, quoi.